Bonsoir. Je remarque qu'il y a encore beaucoup de monde malgré les vacances qui ne sont pas terminées. À soir, on aborde le sujet d'une société nouvelle ou d'un gouvernement mondial, d'une monarchie, autrement dit gérée par une forme de monarchie. Ouais. Okay, je suis en train de me mêler. Daniel, cette société nouvelle-là, en quoi va-t-elle être nouvelle et comment va-t-elle se monarchiser justement? Disons, avant de parler de la monarchie, il faudrait qu'on parle de l'intelligence d'un monarque ou de l'absurdité d'un monarque, de l'intelligence d'une démocratie ou de l'absurdité d'une démocratie et de ce que c'est qu'un gouvernement, de l'utilité d'un gouvernement, ces choses-là. Disons que souvent, on aborde le grand monarque d'une façon ésotérique. La semaine dernière, on a eu une conférence donnée par un astrologue qui a étudié les centuries de Nostradamus et dans lesquelles il a trouvé que le grand monarque devrait naître du Québec et non pas de France. Il a parlé de Reims, un endroit en France d'où le monarque était supposé venir, Reims qui est un nom anglais prononcé Reims par les Français. Et il a justement remarqué que le centre était placé sur la rue Reims et Grimazie. Des hasards comme ça, on en a plein. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à partir de ces hasards ou à partir de prophéties, de centuries comme celle de Nostradamus, on interprète le gouvernement mondial ou à partir de religion d'une façon très ésotérique, mais jamais d'une façon politique. Alors, ni d'une façon militaire. Alors, comment pouvons-nous instaurer un gouvernement mondial si ce n'est pas d'une façon politique ou d'une façon militaire? Certains vont dire c'est simplement d'une façon religieuse, c'est-à-dire que c'est le Nazaréen qui va revenir. Si le Nazaréen revient, qui va le reconnaître? Pas tout le monde. Donc, ça va devoir être instauré d'une façon guerrière. Parce que les hommes vont lutter pour empêcher un monarque de venir s'installer. Tous les grands de tous les continents, de tous les pays vont s'arranger pour interdire à un autre de prendre leur place. Alors, on parle de façon extrêmement ésotérique, de façon religieuse, de façon spirituelle, la venue d'un monarque, la venue d'un gouvernement mondial, la venue d'un gouvernement extraterrestre ou d'un gouvernement divin. Mais jamais on en parle d'une façon terre-à-terre. Et lorsqu'on en parle d'une façon terre-à-terre, tout le monde dit « ben oui, mais c'est impossible ». C'est ça que j'allais dire. Tu peux-tu asseoir et nous épurer toutes ces prophéties-là pour qu'il reste quelque chose de clair, là, tu sais, sur… De toute façon, j'en parlerai pas d'une façon… C'est ésotérique, disons, de la façon… avec lequel je vais aborder le sujet, mais de l'ésotérisme pratique. Ce qui fait dire à plusieurs personnes de temps en temps que ce n'est pas de l'ésotérisme. Parce que l'ésotérisme, c'est supposé être flyé dans les nuages, quelque chose d'imperceptible avec des noms, des croyances, de la foi et des choses comme ça. Si on parle de réincarnation, c'est de l'ésotérisme. Parce que la réincarnation, personne n'y touche. Si on parle de l'absurdité de parler de la réincarnation, parce que vu que personne n'y touche, ça ne fout rien chez l'homme, alors là, on trouve que c'est de la psychologie ou que c'est du terre-à-terre, mais c'est plus de l'ésotérisme. Mais il se trouve justement que pour être ésotérisme, il faut parler de quelque chose qui sert l'homme. Pas quelque chose qui permet à l'homme d'espérer que plus tard, ça va se régler. Puis pendant ce temps-là, ben, il se fait avoir quotidiennement parce qu'il met ses énergies dans un avenir nuageux, indescriptible, intouchable. Le grand monarque, pourquoi de toute façon on parle continuellement de monarchie? Pourquoi ne parlons-nous pas de gouvernement diplomatique mondial? Ben, présentement, disons, de la façon dont la Terre est menée, elle est menée d'une façon démocratique, c'est-à-dire que, même si ce n'est pas par des boîtes de scrutin que l'on règle nos problèmes, c'est souvent par les armes, c'est de la diplomatie. Lorsqu'un pays veut quelque chose et que l'autre ne le veut pas, on passe à un vote qu'on appelle une guerre, et selon le nombre d'électeurs qui votent pour telle chose, hein, selon l'intelligence de la campagne électorale, on peut appeler ça l'intelligence de la campagne militaire, selon le nombre de combattants, les stratégies. Regardez bien qu'en politique, c'est les mêmes termes que lorsqu'on rentre en campagne militaire. Parce qu'on a des stratégies, on a une propagande, on a des forces, on a tout ce qu'il faut pour arriver à atteindre un but. Et présentement, la Terre est extrêmement diplomate pour la simple raison qu'il y a des guerres régulièrement et à partir de peur, à partir de d'armement encore pour amener une crainte chez les ennemis, disons, parce qu'on emploie aussi le terme ennemi en politique. Hein, c'est les ennemis du parti. Et c'est la même chose, sauf qu'au lieu de se servir dans la démocratie, disons, canadienne ou américaine ou, disons, civilisée, au lieu de se servir d'armes à feu, quoi qu'on s'en sert de temps en temps, mais on sait pas c'est qui assassine qui. Enfin, on sait qui c'est qui meurt, mais on sait pas qui c'est qui les assassine, parce que la politique américaine, on a pu la voir souvent avec les Kennedy, avec Luther King, avec différents autres. Même la politique religieuse se sert aussi d'armes à feu. Alors, ce qui fait que quel que soit notre régime présentement, qu'il soit communiste, qu'il soit de n'importe quel que soit le régime, c'est de la diplomatie. Sauf que de temps en temps, on ne demande pas d'une façon, disons, très officielle, l'avis du peuple. Et lorsqu'on ne demande pas l'avis officiel du peuple, on dit ce n'est pas de la démocratie. Et lorsqu'on demande l'avis du peuple, qu'on fait des promesses en fonction de l'avis du peuple et qu'on ne tient jamais nos promesses, c'est de la diplomatie. Mais il n'y a pas grande différence. L'un n'a pas l'impression qu'il peut penser et l'autre a l'impression qu'il peut penser, mais les deux se font berner. C'est sûr que c'est préférable d'avoir l'impression qu'on peut penser parce qu'on se fait moins taper sur les doigts. Et qu'il y a toujours moyen, si on vit suffisamment longtemps, c'est-à-dire si on ne se fait pas assassiner par différents sous-gouvernements en place, d'arriver à créer un parti politique pour arriver à renverser certaines choses. Alors, on a eu, il y a plusieurs choses, de toute façon, je ne vais pas les aborder ce soir parce que ça a été tenu secret par, disons, nos gouvernements sous table. Lorsque la France, un jour, lorsque le général, j'oublie son nom, De Gaulle? Oui, en plein ça, oui, c'est ça, faut pas trop qu'on en parle. Lorsque De Gaulle est venu, qu'il a annoncé « Vive le Québec libre », combien le Québec avait-il donné en argent à la France pour que De Gaulle le dise? Et on a des personnes qui, à l'époque, étaient prêtes à... qui voulaient que le Québec se libère, qui ont été menacées de mortalité, et il s'est passé plusieurs choses après, surtout parce que le Québec n'a pas pu remplir ses engagements envers la France une fois que la France avait accepté publiquement d'aider le Québec. Alors, donc, on a continuellement... Si tu ne te fais pas tuer trop vite, tu peux arriver à renverser par la diplomatie apparente, un gouvernement en place, mais pas par les armes. Si je dis bien, prends par exemple les Kennedy qui sont fait assassiner, Martin Luther King et plusieurs autres qui sont morts parce que la démocratie apparente, elle existe, la démocratie réelle n'existe pas. Et lorsque tu commences à jouer un peu trop dans les services secrets, c'est-à-dire que lorsque tu commences à dire « si vous me votez, je vais libérer le Nicaragua des forces militaires de notre propre pays, c'est-à-dire que je vais retirer nos forces. » Si ça ne plaît pas au vrai gouvernement du pays, tu n'iras pas en élection. Et si tu fais trop de bruit, tu vas te ramasser au cimetière. Et c'est continuellement des choses comme ça qui arrivent, même si on parle après ça, pour la propagande, que c'est un soviétique qui vient d'assassiner tel candidat à l'électorat, que c'est un fou, que c'est ce que tu voudras. De toute manière, ce n'est pas... La démocratie que nous vivons est une démocratie qui est frauduleuse. Et de ce fait, elle est absurde. Pourquoi? Parce que, premièrement, même si elle ne serait pas frauduleuse, elle serait absurde. C'est ça que c'est le gros problème de notre démocratie. Comment pouvons-nous changer intelligemment un état social lorsque la société, c'est-à-dire lorsque l'individu dans la société, lorsque chaque personne ignore le pourquoi de la société? Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un vote, lorsque un gouvernement amène, par exemple, une idée intelligente, lorsque le gouvernement dit « nous allons dépenser 3 milliards de dollars, non pas pour créer de l'emploi, mais pour régler le problème du pou magicus qui va manger nos érables dans les forêts. » Alors, il y a « Votez pour moi et je vais dépenser 3 milliards de dollars pour lutter contre un pou qui est à l'état natif dans la province de Québec, c'est-à-dire qui ne fait pas de ravages pour l'instant, mais au cas qu'il en fasse dans 10 ans. » Il ne se fera jamais élire. On va élire un gouvernement qui va dire « Je vais dépenser 3 milliards de dollars pour l'assistance sociale, pour l'assurance maladie, pour alléger le fardeau des assurances automobiles, pour créer de l'emploi. » Et même si l'emploi crée les poux qui tuent nos forêts, c'est pas grave, on va voter pour ce gouvernement. Pourquoi le gouvernement ne peut pas arriver avec une idée intelligente devant son peuple? Parce que le peuple n'est pas intelligent. Et lorsque je dis que le peuple n'est pas intelligent, je ne parle pas de l'individu. L'individu est intelligent, mais vu que l'individu ne vit, ne pense qu'en fonction de ce que les autres pensent, donc ne vit qu'en fonction de pensée collective, il n'est pas intelligent. Il ne peut pas être intelligent lorsqu'il pense en fonction des autres. Tu as peur de dire ce que tu penses parce que les autres trouvent que c'est stupide. Alors, tu fermes ta boîte. Pourquoi? De toute façon, imaginez bien ceci. Si un d'entre vous, ou d'entre ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas ici, sont... gêné, transpire, ont peur, on le traque de parler en public, c'est justement parce qu'ils sont assujettis à une parole collective. Et le fait d'aller en public fait qu'ils, peut-être, ils vont avouer qu'ils ne pensent pas comme tout le monde. Donc, le monde risque de dire, voyons, qu'est-ce que c'est? puis toi, tu vois automatiquement que tu es anormal et tu te mets à transpirer, ton cœur accélère parce que tu te sens mal. Tu préfères rester dans l'anonymat de la foule parce que là, on ne sait pas et tu ne sais pas si ta pensée est bien ajustée à la collectivité ou non. Et si une personne peut parler en public sans avoir peur, c'est que fortement, il y a de fortes possibilités que sa pensée et sa parole ne soient pas collectives. Lui est réellement intelligent. Et non pas intelligent, parle dans le sens que ce qu'il dit plaît à la collectivité. Parce que si moi j'ai une idée qui est absurde et qu'elle vous plaît, je ne suis pas plus intelligent pour autant. Et si j'ai une idée intelligente et qu'elle vous déplaît, je ne suis pas absurde pour autant. Donc, la personne qui arrive à parler librement, sans être assujettie à une parole collective, elle est intelligente, quelle que soit sa parole. Elle a une pensée individuelle, elle est dans son intelligence. Alors si moi j'ai une idée intelligente et que je la propose à un peuple, le peuple ne voit pas l'intelligence de l'idée, il ne votera pas pour moi. Ce qui fait que la démocratie, même si elle serait authentique, ce qui n'est pas le cas, elle est absurde parce que c'est toujours ce qu'il y a de plus bâtard, de plus inintelligent dans les idées collectives qui sont portées au pouvoir. Et je ne parle pas de nos ministres, je parle des idées. Si le ministre veut être au pouvoir, il doit prendre une idée bassement collective et souvent une idée qui n'a pas d'intelligence. Alors si nous disons que pour régler le problème, un problème qui va décimer nos forêts dans 10 ans, et ces forêts vont éliminer plusieurs emplois, et ces arbres malades peuvent engendrer d'autres maladies, parce qu'ils vont mourir en vrac, cela va pourrir dans l'eau, ça va polluer nos rivières avec une pollution biologique. Cela peut causer des maladies, mais c'est dans 10 ans. Alors, si on dépense 3 milliards de dollars immédiatement pour régler ça, on n'aura pas ce problème-là. L'électorat va dire que l'idée est absurde parce que l'électorat, le peuple, ne voit pas le problème. Ils ne connaissent pas le problème. Et évidemment, on a toujours des personnes qui sont, à cause de notre politique, à cause de notre diplomatie, à cause de cette politique, vont lutter toujours contre l'autre. Hein? T'as des partis politiques qui ont comme fonction de toujours être contre les autres. On a à Montréal un parti politique qui a comme fonction de toujours être contre l'autre. Alors, si on règle un problème, il est contre. On change d'idée, ah, il décide que c'est intelligent. Tu reviens avec, il est encore contre. On a un comme ça à Montréal. On en a un peu partout, dans tous les pays, disons, diplomatiques. On a toujours des partis qui ont un orgueil de parti et ils doivent dire que l'autre a tort. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Alors, ce qui fait, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va arriver ceci. Chaque personne va voter pour une solution immédiate à eux autres. Alors, moi, je souffre de cancer. Le parti dit, je vais financer la recherche du cancer, je vote pour. Moi, je ne souffre pas de cancer, ben, je vote pas pour. À moins que j'ai ma mère ou mon frère ou mon fils qui souffre de cancer. Sinon, ça me touche pas. Alors, j'ai pas d'intelligence collective, même si je suis relié à une pensée collective. L'individu doit avoir une pensée individuelle et de ce fait, il saura intelligemment pourquoi il y a de l'utilité à vivre en collectivité. Mais présentement, l'individu ne voit pas d'utilité à vivre en collectivité. Et il a une pensée collective. Alors, c'est l'inverse qui se produit. Alors, ce qui fait que lorsque nous avons une idée intelligente, lorsque nous avons des solutions intelligentes, vu que l'électorat, ceux qui votent, n'ont pas l'intelligence de ces solutions, ils veulent avoir une solution immédiate à leur problème immédiat, les idées les plus intelligentes ne sont jamais votées. On ne passe pas de loi intelligente, on ne passe pas de solution intelligente. On trouve qu'on passe des solutions intelligentes lorsque ça fait 10 ans que le problème nous tape dessus. Lorsque le public non informé finit par être informé à cause des événements, là, ils n'ont plus le choix d'être informés, le pouls se promène partout, il y en a dans le lit, dans le cheveu, dans le chat, dans le chien, partout, ben là, ils se disent, ben là, si un gouvernement a dit qu'il va éliminer les poux, là, on va le voter. Alors là, maintenant, c'est le temps d'amener un gouvernement qui va dire, ben, éliminer les poux. Mais il y a un autre problème qui s'est dessiné qui va apparaître dans 15 ans. On le solutionnera pas tout de suite. Personne va voter pour ce gouvernement-là. Donc, si tu aurais un jour un parti politique intelligent, c'est-à-dire un parti politique conséquentiel, qui est capable d'entrevoir les conséquences des actes posés par l'électorat, par le peuple, les conséquences posées par ce qu'il fait, par ses décisions, et qu'il est capable de diriger. Diriger veut dire amener le peuple vers ce où il doit aller. Et ça crée des problèmes, ça, parce que qui va dire au gouvernement que c'est là que le peuple veut aller? Mais j'ai pas dit là où le peuple veut aller, là où le peuple doit aller. Ah, mais si le peuple veut pas aller là, ça devient une dictature. Mais prenons, ici, on a des médecins dans la salle. Certains savent qu'il y a des personnes qui viennent les voir régulièrement, qui ont eu un jour un accident de travail et qui sont présentement couverts par la CAT, Commission des accidents de travail, et qui viennent se plaindre qu'ils ont mal au dos, qu'ils ont mal partout. Le médecin essaie de les soigner, mais se rend bien compte que ses clients ne veulent pas guérir. Parce qu'ils ont découvert, ils ont goûté à la luxure d'un chômage très payant. Tu ne fais rien, mais t'es bien payé. Qu'ils ne veulent pas psychologiquement. Et si on leur demande, voulez-vous travailler? Ils vont vous répondre oui. Voulez-vous faire les efforts? Oui. Mais c'est comme d'ailleurs le monde dans l'évolution. Voulez-vous? Oui. Faites-le. Ah ben là, c'est autre chose. Alors, ce qui fait que, qu'est-ce qui est intelligent? Avoir des personnes qui veulent être en santé ou avoir des personnes en santé? Avoir des personnes en santé. Mais le peuple ne veut pas être en santé. Le peuple veut vouloir être en santé, mais ça s'arrête là. On ne fait pas la démarche comme il faut. Très, très, très bien faite jusqu'au bout. On fait un petit peu de démarche pour se prouver de temps en temps qu'on veut, mais qu'on peut pas. Ça marche pas. J'ai voulu maigrir, j'ai essayé 4 fois, puis j'ai pas réussi. T'as-tu essayé d'un début à l'autre, puis quand ça marchait pas, tu recommençais tout de suite avec un autre régime, puis tu fouillais. T'as-tu tout fait? Ben, j'ai pas pu. Ou si t'aurais été à ma place, il y a plein de raisons. Mais c'est la même chose. Alors, si on veut obliger, par exemple, un peuple... Qui veut être malade? Pas grand monde. Qui consciemment veut être malade? Alors, si immédiatement, on dit... que tout ce qui rend l'homme malade, on l'interdit. Et si j'explique ce qui rend l'homme malade et qu'on l'interdirait, on rentrerait en guerre civile. Et si on fait une élection, bien évidemment, on n'a jamais voté. Pourquoi? Parce que les compagnies qui vendent ces produits nocifs vont s'arranger pour appuyer, pour financer le parti. Parce que c'est toujours un parti qui va dire contre, qui va dire que c'est pas grave ça. Pour financer ça, il va dire que ça crée de l'emploi. C'est vrai que ça crée de l'emploi. On peut fabriquer des toxines, ça crée de l'emploi. On rend le monde malade, ça crée de l'emploi dans les hôpitaux, ça crée de l'emploi sous l'ambulance, ça crée de l'emploi dans le domaine paramédical, ça crée de l'emploi chez les fabricants de médicaments, chez les fabricants de matériel d'opération, chez les fabricants de matériel radioactif pour la radiothérapie. Ça crée de l'emploi. Et c'est donc correct, présentement. L'homme, qu'est-ce qu'il veut, c'est de l'emploi. Et si on dit à l'homme, ben pendant un certain temps, vous allez vous serrer la ceinture, mais vous allez vivre mieux, et on peut faire certaines choses. L'homme ne veut pas ça, l'homme veut une sécurité immédiate. Et comme l'homme n'est pas conséquentiel dans l'avenir, il ne peut pas être sécuritaire dans l'avenir, l'homme a toujours peur de l'avenir. Donc, l'homme veut une sécurité au moins immédiate, qu'il peut voir tout de suite. Alors, présentement, l'homme veut de l'emploi, on va créer de l'emploi. Présentement, on dépollue les rives du Saint-Laurent, pas parce que c'est écologique, parce que ça crée de l'emploi. Et on continue de les polluer pendant ce temps-là. Ben, ça crée de l'emploi. Alors, on dépollue et on continue à acheter. On continue à polluer parce que ça permet de l'emploi et on continue à dépolluer parce que ça permet de l'emploi. Et c'est continuellement des choses comme ça qui se passent parce que il n'y a pas d'intelligence réelle. Pour que si un jour on veut avoir, on parle de gouvernement mondial, ce sera une monarchie et ce sera une dictature. Et ce sera extrêmement pénible pour l'homme parce que l'homme croit vivre dans son intelligence, et son intelligence, ce n'est pas une intelligence logique. Ce n'est pas une intelligence qui demande de la logique, qui demande de la conséquentialité. C'est une intelligence régie par son plan émotif. Ça, c'est ce que l'homme a présentement. Et tant que l'homme a une intelligence régie par son plan émotif, il s'observe et il dit « aujourd'hui, je veux telle chose ». Et si on m'empêche de l'avoir, je vais voter contre. Et s'il n'y a plus de vote, je vais lutter contre. Si on prend, par exemple, un exemple au Guatemala, que je connais assez bien parce que j'ai passé plusieurs mois, on a une guérillera dans la côte ouest du bord du Pacifique qui essaie de renverser le régime militaire en place. Régime militaire, d'ailleurs, qui est diplomatique. Parce qu'on a des élections tous les 4 ans, et ça change lentement, mais disons qu'à l'époque où j'étais, un an avant les élections, le port d'armes était permis dans tout le pays, parce que plusieurs paysans avaient des comptes à régler. Alors on tuait les ennemis de la cause, et puis on bombardait l'océan Atlantique et Pacifique régulièrement de milliers de cadavres, parce que c'est le même qu'on élimine. Et lorsque les élections arrivaient, tu avais le choix entre le général machin chouette, le général machin chouette, le général machin chouette. Ces trois personnes font partie de la même armée qui a renversé le régime en place à l'époque et qui, ce régime renversé, est maintenant la guérilla. Et eux autres, avant d'être gouvernement, étaient la guérilla. Et ils avaient déjà été gouvernement. Et ça fait 15 fois que le gouvernement est renversé, il devient guérilla, il renverse le gouvernement qui devient guérilla, et c'est continuellement comme ça. Bon, c'est une roue comme ça. Et ces élections-là font que, chaque fois, c'est toujours le même qui est élu. Alors, tu as 6 millions d'habitants au Guatemala, tu as 4 millions, oh, même pas, tu as 2 500 000 adultes, et tu as facilement 7 millions de votes qui rentrent pour un parti. Bon. Et c'est de la démocratie. Et c'est toujours un général qui porte, qui disons, a un nouveau parti, mais lorsqu'il est élu, c'est ceux qui viennent travailler avec lui sont les deux autres candidats des deux autres partis. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de diplomatie, là. Mais le peuple se plaît de cette diplomatie. Et tu as 7 millions, alors vraiment, c'est des victoires fracassantes. C'est toujours plus, même les pays alentours ont voté pour, faut croire, parce que... Bon, et c'est une diplomatie. Mais continuellement, le pays, le gouvernement qui est là se fait renverser. Et il dégénère. Là, la guérilla devient le gouvernement. Et ça continue. C'est un peu ce qui se passe ici où on a, mais c'est pas militaire, où on a les libéraux qui s'en vont, les conservateurs qui s'en vont. On a continuellement un changement, un va-et-vient. De temps en temps, un nouveau parti qui vient s'imbriquer. Parce que là, même le changement, à un moment donné, son écœurement devient à terme. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de quelque chose de neuf. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y a d'amélioration? Chaque fois qu'on a des élections, et ça, c'est partout dans les pays où il y a des élections, tout ce qu'il y a, disons, de la dictature militaire, c'est différent. L'armée vote pour le peuple. Et le peuple, de toute façon, voit toujours l'armée qui prend possession du pays comme des libérateurs. Et deux ans après, ils espèrent que l'autre, les guerrieros, vont renverser encore une fois. C'est toujours des libérateurs. C'est toujours comme ça que ça se passe, et c'est pourquoi qu'on n'arrive pas à avancer socialement. On règle des problèmes qui permettent d'être élus. Mais on ne règle jamais des problèmes de l'homme. Assez qu'à un moment donné, il est intelligent dans notre politique de susciter des problèmes chez le peuple pour pouvoir les régler après avoir été élu. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement... on s'en sert régulièrement, où on va créer, où on va laisser un problème s'en aller, s'envenimer. Et lorsque les élections sont faites, les partis qui arrivent là, on les laisse faire un bout de temps. 4 ans après, il y a des autres élections. Et là, on vient dire que tel problème, ce parti-là l'a jamais vu, patati patata, puis là, on veut se faire élire pour régler ce problème-là. On peut en susciter et on en laisse traîner spécialement pour créer ça. Ça, c'est très retardataire pour une société. Mais c'est extrêmement retardataire. Par contre, c'est extrêmement bénéfique pour se faire élire. Pourquoi les pays sont-ils souvent en déficit? Prends le Japon. Le Japon a un déficit de quelques millions, un milliard de dollars. Comment les Japonais, qui sont une grande puissance monétaire, peuvent-ils avoir un déficit? Ils pourraient payer facilement leurs dettes. Ils ne veulent pas payer leurs dettes. Et aucun pays ne veut payer sa dette. Parce que si le Canada dirait à un moment donné, on paye notre dette, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver que tous les assistés sociaux, que tous ceux qui sont sous chômage, que tous ceux qui sont régis par le gouvernement vont faire des grèves et des manifestations monstres pour dire « Vous avez de l'argent pour payer les dettes, puis vous augmentez pas nos salaires, vous augmentez pas nos conditions de vie, vous augmentez pas nos chèques d'assistance sociale. » Le gouvernement peut pas se permettre de montrer à son peuple qui est riche. Parce que le peuple va se grouper pour détruire le gouvernement. Donc, le gouvernement est pauvre. Le gouvernement est toujours pauvre. Et le gouvernement augmente. Ces taxes, le gouvernement augmente par-ci, augmente par-là. De temps en temps, c'est bien régi, de temps en temps, c'est mal régi. Mais on ne peut pas avoir un pays riche. Parce qu'on n'a pas d'être humain à l'intérieur qui serait capable d'accepter tout d'un coup que le pays est riche sans aller ramasser ce qu'ils peuvent ramasser du pays pour se dire, ben moi avec, mais être riche. Je le mérite pas, mais s'ils sont riches, c'est moi le pays, puis c'est pas moi. Quand ça va mal, c'est de leur faute. Quand ça va bien, donnez-moi-en. Bon. Puis quand ça va mal, je leur en donne pas. Je leur en demande plus. Alors, le pays peut pas se permettre d'être riche. Pas pour l'instant. Alors, comment ça se fait qu'on vit dans des pays où il y a des situations compliquées, des situations dures, difficiles? Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Choses que je ne peux pas parler parce que ce ne serait pas intelligent d'en parler. Je ne veux pas en parler pour ça. Des trucs qui sont sous-gouvernementales, des sociétés, gouvernements secrets, mais qui sont reliés au gouvernement en place. Le premier ministre, lorsqu'il est élu pour la première fois, il se fait, on l'instruit de ses privilèges, de ses prérogatives, de ce qu'il a droit, et des limites contextuelles dans lesquelles il peut évoluer. Et si un premier ministre s'échappe un peu, il y a la loi. La loi qui a des bonnes choses, mais la loi qui empêche aussi un ministre de faire quelque chose de salutaire, mais ça devient illégal, c'est anticonstitutionnel, c'est inconstitutionnel, et c'est etc. Ce qui fait que même si tu es élu avec une idée particulière, par après, un avocat peut te montrer que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire. Tu n'as pas le droit de rendre le peuple en santé parce que tu n'as pas le droit de faire telle chose. Tu dois faire un référendum et le peuple va te dire qu'ils veulent être en santé, mais ils ne veulent pas payer le prix. Donc, le peuple reste malade et le peuple te maudit parce que tu as promis que tu rendras en santé, mais tu ne le fais pas. Bon. Alors, ce qui fait qu'une monarchie, qu'est-ce que c'est? Une monarchie, c'est lorsque un monarque, un roi. Maintenant, ce sont des termes spirituels, ce sont des termes, médiévaux, qui datent de certaines prophéties. On peut parler de seigneur si on parle de l'époque biblique, on parle de monarque, donc de roi, si on parle de l'époque de Michel de Nostradam, Nostradamus. Alors, prenons ces termes, mais ce n'est pas un roi avec une couronne et patati patata qui sera placé sur un trône par une église, ni même par un peuple, parce que la monarchie, la dictature monarchique va apparaître sur le plan planétaire, mais ce ne sera pas une dictature et c'en sera une. Alors, si on revient un peu dans l'ésotérisme, d'ailleurs, c'est très ésotérique ce qu'on a dit, c'est caché. Lorsque un gouvernement a une solution intelligente à un problème qui est présentement apparent ou qui a une tendance à naître, parce que sachez bien qu'un problème qui n'est pas encore au monde est très facile et très peu coûteux à régler. Par contre, lorsqu'un gouvernement règle des problèmes qui ne sont pas apparents, le peuple s'imagine que le gouvernement ne sert à rien. Donc, le gouvernement doit faire en sorte que le problème devienne assez gros pour que le peuple le voie, et là, le gouvernement, s'il est capable, maintenant encore, règle le problème. Sinon, ben, il s'excuse auprès du peuple de ne pas avoir eu la force nécessaire pour régler le problème, et là, l'opposition vient s'en mêler, puis on recommence. Bon. Si on a un peuple intelligent, c'est-à-dire un peuple qui est capable de concevoir l'importance d'une société, l'importance de l'écologie sociétaire, de tous les mécanismes qui permettent à la société d'exister et qui permettent à l'individu d'avoir une facilité matérielle. Ça sert à ça, une société. D'avoir une facilité d'éducation. Ça sert à ça. Ça devrait servir à ça, une société. D'avoir des facilités au niveau de la santé. Ça devrait servir à ça, une société. D'avoir des facilités de voyage, de transport. On parle d'éducation, on parle des écoles, partout. Ça devrait servir à ça, une société. Lorsque l'homme comprend que la société peut lui être utile de façon à l'améliorer, lui. Là, quand l'homme comprend ça, l'homme peut commencer à vouloir travailler pour améliorer la société. Mais présentement, on ne travaille pas pour améliorer la société, on travaille pour se faire de l'argent. Les compagnies travaillent pour faire de l'argent, les architectes travaillent pour faire de l'argent, les maires se font voter, travaillent pour faire de l'argent. On travaille pour ça, mais pas dans le but d'améliorer la société, parce qu'on ne voit pas de quelle façon la société permet à l'homme de s'améliorer. Mais il y a eu un temps où ce que on avait plusieurs personnes qui traînaient dans les rues. Aujourd'hui, on a dégagé les rues et on leur permet de se saouler la gueule, peut-être, ou de vivre mieux, dépendant des individus. Il y en a qui ont profité de l'occasion sociétaire pour se replacer, se redresser, aller étudier, peut-être travailler. S'ils ne pouvaient pas, c'est pas grave, au moins s'instruire, s'améliorer. Et d'autres n'en ont pas profité. Parce qu'on n'a pas instruit la population pauvre de l'époque que maintenant on leur donnait un financement pour s'améliorer. On leur a dit qu'on leur donnait un financement pour déguerpir des rues. Ce qu'on leur a dit. Alors, évidemment, ils ont fait ce pourquoi on leur donnait, mais ils ne se sont pas améliorés. Lorsque l'être humain va comprendre l'intelligence de vivre en société pour pouvoir diviser le travail, pour multiplier les résultats, donc pour pouvoir faciliter sa vie, il pourra travailler en fonction de la société. Et ça, c'est l'apanage d'un peuple intelligent. Maintenant, le peuple, lorsque le peuple devient intelligent, le gouvernement en place peut. Pourquoi voter tous les 4 ans? Pourquoi voter tous les 2 ans? Pourquoi voter tous les 100 ans? Pourquoi voter? Parce que lorsque nous nous rendons compte que le gouvernement en place n'est pas intelligent, nous en plaçons un autre que nous croyons intelligents. Alors, à un moment donné, il faudra construire un gouvernement intelligent. Pas un gouvernement que nous allons penser être intelligent, un gouvernement qui sera intelligent. Et ce gouvernement se placera en place, ou nous le placerons si nous voulons. Et une fois qu'un gouvernement intelligent est en place, on n'a pas besoin de le débâtir tous les 4 ans et de le rebâtir. Ce qui veut dire que, mais il y a un problème. Étant donné que la société est présente, elle est à l'éveil. C'est un embryon d'intelligence qui commence à apparaître dans la collectivité sociétaire. Un embryon. Cela est plus perceptible au Québec. Mais c'est un embryon d'intelligence sociétaire et d'intelligence individuelle. Ça va bien, même de la musique. Non. Voici Dr. Mario. Donc, lorsque nous allons avoir, je vais prendre l'occasion, oui, je profite souvent des occasions, je suis un profiteux qu'on dit, mais c'est pas grave, très bon. Une société intelligente, qu'est-ce que c'est un peuple intelligent? C'est un peuple qui permet à l'homme de faire des erreurs. Et notre société ne permet à personne de faire des erreurs. Et lorsque nous devenons un peuple intelligent, lorsque chaque être est dans son intelligence, se dynamise lui-même pour réfléchir lui-même, lorsqu'il est capable d'accepter que d'autres fassent des erreurs et qu'il est évidemment capable d'accepter que lui fasse des erreurs, c'est un critère d'intelligence. Parce qu'il est normal de faire des erreurs, parce que l'homme ne sait pas tout, l'homme expérimente. Et lorsque l'homme s'interdit l'erreur, l'homme s'interdit l'expérimentation. C'est évident. Je peux pas le faire, parce que si je manque mon coup, mais manque-le ton coup. Puis profite de l'occasion pour apprendre pourquoi t'as manqué ton coup, puis en instruis les autres, puis après ça, on continue. Puis si tu passes ta vie à manquer ton coup, tu passes ta vie à instruire les autres. Puis ça a de la valeur dans une société intelligente. Puis un jour, il y aura moins d'erreurs. Mais c'est pas le culte de la non-erreur. C'est pas le culte de l'erreur. C'est pas un culte. Il y a des choses normales qui arrivent. Et c'est normal, c'est logique. Ça doit arriver. Parce que l'homme expérimente. L'homme ne le sait pas. Donc l'homme expérimente, l'homme peut manquer son coup. Et on ne permet pas à un homme de manquer son coup. Alors, on ne peut pas bâtir une société intelligente, une société où l'homme va s'exprimer, où l'homme va sentir qu'il peut grossir, qu'il peut se risquer de grossir, qu'il peut se risquer à s'affirmer. On n'a pas de société comme ça. On a donc une société qui n'est pas intelligente. Et si on a une société intelligente, cela va vouloir dire que lorsque une solution intelligente va apparaître dans un gouvernement, on n'aura pas besoin de changer de gouvernement tous les semaines. Lorsqu'une une solution intelligente apparaît, ben, il va y avoir du monde dans la population qui vont être capables de dire, ben, ça a de l'allure. Pas parce qu'on va payer des millions de dollars pour faire des gros panneaux publicitaires pour dire à l'homme que ça a de l'allure. Parce que là, on n'a pas une société intelligente. On doit dire à l'homme que telle chose est nécessaire. Et tant qu'on a besoin de propagande, on n'a pas de société intelligente. Lorsqu'on doit dire à l'homme, subvention du gouvernement du Québec, tant de 1 000 $, pour que l'homme sache que le gouvernement fait quelque chose. Sinon, ben, l'homme, il vote pas pour le gouvernement les 4 ans suivantes parce que le gouvernement fait rien. Lorsque vous voyez des pancartes sur la route qui disent abolition du péage pour la relance du Québec, imaginez-vous comment on a un peuple absurde, et c'est pas à faute du gouvernement. Le gouvernement fonctionne en fonction du peuple. Le peuple ne comprend que ce genre d'informations, alors on lui donne. Sinon, ben le peuple, le gouvernement est démoli, le gouvernement on chiale, le gouvernement on le démolit, on l'assassine, on le tue, ou on ne le réélu pas, dépendant des pays. Mais on n'a pas aboli le péage pour la relance du Québec. On a doublé le prix du péage. Et parce que la population n'a rien voulu savoir, on est obligé d'abolir le péage. Et là, on met des panneaux disant à la population que c'est le gouvernement qui a décidé d'abolir les péages. Et le peuple accepte. Et je ne parle pas du gouvernement du Parti québécois, entre autres. C'est la même chose pour tous les gouvernements, pour tous les paliers de gouvernement, pour tous les ministères, quel que soit le gouvernement. Le Parti québécois, présentement, disons que c'est lui qui règne sur le Québec Lors de l'abolition des péages, il se sert des mécanismes que le Parti libéral s'est déjà servi, que les partis conservateurs sont servis. Ils se servent de la propagande. Et la propagande, ben, c'est nécessaire. C'est totalement nécessaire. Sinon, il y aurait anarchie totale. Parce que le peuple ne peut pas savoir si un gouvernement est bon. Il faut que le gouvernement lui dise. Et comme on a plusieurs gouvernements, dont un officiel et d'autres à l'opposition, ben, on instruit le peuple que un tel est bon et que l'autre ne l'est pas, parce que le peuple ne peut pas choisir lui-même. Le peuple ne peut pas le savoir. Le peuple est imbécile, en fin de compte. Pas l'homme individuel dans le peuple, mais le peuple, oui. Alors, ce qui arrive, c'est que si on parle de monarchie, pourquoi que la société nouvelle va être une monarchie? C'est parce qu'à un moment donné, il y aura des êtres suffisamment intelligents pour être capables de se servir des mécanismes collectifs psychologique, ce qu'on appelle l'astral collectif, de façon à manipuler à l'insu du peuple, ce peuple, et ce peuple sera toujours d'accord avec ce gouvernement, même si le peuple ne comprendra jamais rien du gouvernement. Et ça, c'est une monarchie qui, à un moment donné, va être instaurée après différents conflits, après différents bouleversements qui vont permettre au peuple de rechercher, et c'est déjà commencé, la venue salvatrice d'un gouvernement mondial. Il serait intelligent d'avoir un gouvernement mondial. L'homme n'en veut pas. Les individus en veulent, mais pas l'individu collectif. Le Canada n'en veut pas. Le Québec n'en veut pas. Le Canadien, peut-être. Le Québécois, peut-être. Le Russe, peut-être. La Russie n'en veut pas. La France n'en veut pas. Le Français, peut-être, mais pas la France. Et c'est ça le maudit problème. Intelligence collective. Donc, l'individu, personne n'en veut. Pendant les guerres, la majorité des soldats ne veulent pas se battre. Mais le pays veut se battre. Les familles, personne ne veut se battre, mais le pays veut se battre, donc tout le monde se bat. Alors donc, vu que tout le monde veut un gouvernement, mais que les pays, ceux qui présentement dirigent, dominent l'homme collectif, veut garder son autarchie, ne veut pas avoir de gouvernement extérieur pour venir le diriger. Le Canada n'en veut pas. L'ego, l'astral canadien n'en veut pas. L'orgueil du Québec non plus. L'ego du Québec, l'astral du Québec. Alors, automatiquement, on est obligé, pour que cet état de choses qui est intelligent, avouez que c'est intelligent d'avoir un gouvernement mondial, parce que quand on a un gouvernement dans un pays, il n'y a pas de guerre dans le pays. Si on a un gouvernement mondial, il n'y a plus de guerre sur la planète. Le gouvernement mondial va être régi par l'intelligence, pas par la psychologie. Un peuple qui n'est pas capable de se démerder lui-même, ben on prend pas la moitié des richesses d'un peuple qui se démerde pour le donner. Parce que là, on a brûlé en 10 ans, en 20 ans, en 100 ans, la richesse, la moitié de la richesse d'un pays riche. Par contre, on va les instruire. De quelle façon? Ben, en leur en parlant. Ils comprennent pas? Ben, à coup de pied le cul. On comprend. On n'a pas le choix. Un pays qui ne veut pas cultiver, un peuple qui n'est pas capable de se lever, qui n'est pas capable d'aller à l'école, qui n'est pas capable d'apprendre, c'est long. On prend le temps. On comprend leur état psychologique, leur état génétique, leur état ancestral. Faut comprendre. Ça, c'est l'apanage de l'intelligence. Mais ce peuple doit s'en sortir. Parce que tant qu'il ne s'en sort pas, il crée des conflits au reste de la planète. Continuellement. Soit qu'à un moment donné, il vire un peuple guerrier, puis attaque une frontière. Alors, on doit se défendre contre lui. Ou, etc., etc. Il crée des maladies. Les maladies sont exportées. Et puis, ça cause d'autres problèmes. Un gouvernement mondial, c'est une solution intelligente. Mais les pays n'en veulent pas. Alors, on doit donc s'arranger pour que les pays en veulent. Ou pour que les pays n'existent plus. Pour qu'enfin, l'individu dans le pays finissent par se dire « Je suis citoyen de la planète Terre, je suis pas Canadien. » Et qu'ils puissent commencer à s'imaginer que ce serait bien le fun d'être cordonneau de main. Pour que le peuple finisse par comprendre l'intelligence d'un gouvernement mondial, on fait comme on fait dans les pays démocratiques. On crée des problèmes, on laisse les problèmes grossir jusqu'à temps que le peuple vote pour le parti qui va régler le problème. Mais à un moment donné, le peuple planétaire va voter pour un gouvernement mondial parce qu'il y aura des conflits mondiaux. Ou mondiaux. parlais d'embryon d'intelligence. Mettons qu'on prendrait les chefs politiques en général, qui ont quand même une certaine intelligence et puis qui peuvent pas être dans la totalité de leur intégralité, mais qui sont obligés, comme tu disais, de prendre les opinions les plus basses de la société. Il pourrait pas y avoir, comme dans les anciens rois, qui avaient des conseillers, en fait, il pourrait pas y avoir des conseillers, je dirais presque ésotériques, qui seraient dans l'ombre et qui dirigeraient à ce moment-là les chefs en place, qui seraient la façade pour les gens qui voient pas. Vois-tu, présentement, on a déjà des conseillers qui conseillent avec une main de fer. Les gouvernements en place. Plus tard, vois-tu, déjà là, on ne pourrait pas parce que si on aurait un gouvernement mondial ésotérique, caché, qui, par le biais de ministres placés, de présidents, de dictateurs, enfin, tout ce qui existe déjà, on le laisse comme que c'est, mais on remplace tous ces dirigeants de tous ces pays-là par des dirigeants venus d'un ordre particulier. Et ça, c'est un des plans, du sionisme, pas tout à fait juif, mais en l'occurrence du priori de Sion, qui est une force agarcienne, donc reliée à l'Agartha. De remplacer tous les dirigeants mondiaux à l'insu des peuples pour placer du monde qui vont s'entendre entre eux pour instaurer ce gouvernement mondial. Mais il y a un fichu problème à ça. D'ailleurs, le priori de Sion a tenté, d'accomplir ce plan en manipulant Adolf Hitler. Un autre moyen, présentement, il y a effectivement de ces moyens qui viennent surtout des pays de l'Est, où on tend lentement à s'immiscer pour gonfler, pour étendre le communisme, par exemple, parce que le communisme, comme antéchrist, c'est génial. Et d'ailleurs, de toute manière, j'ai déjà dit en conférence, et comme dirait notre mère, je l'ai dit, je le répète, que l'idée, ce que fait le communisme soviétique, c'est extrêmement salutaire pour la planète. Et on dit même que, certains disent même que le Christ va venir de l'Union soviétique. C'est pas tout à fait ça, mais de toute façon, c'est l'Union soviétique qui va permettre certaines choses, parce qu'ils sont anti-Christ. Mais on tend à remplacer. Le problème qu'il y a, c'est que si, par exemple, on arriverait, disons, d'ici 2 mois, à éliminer tous les gouvernements en place pour les remplacer par de nouveaux hommes. C'est-à-dire qu'aux prochaines élections, celui qui est élu, c'est un être de la Garta. OK? Et partout où il y a une dictature, on fait une révolution, on renverse, et celui qui est placé, c'est un être de la Garta, et partout sur la planète. Il ne devrait pas avoir de guerre. C'est des hommes intelligents, parce que c'est des hommes pas tout à fait intelligents, qui ont des émotions, mais à un moment donné, il y a des postes qu'ils vont vouloir avoir, puis de la puissance, puis grossir, puis etc. Bon. Ils vont vouloir aider l'autre. L'autre ne va pas se faire aider, puis ils vont l'aider pareil. Bon. Mais le problème qu'il y a, c'est dans 4 ans, on fait des élections. Fait que le gars de la Garta, il en faut un autre pour le remplacer. Puis comme c'est le même partout, comme on a de la guérillera où un gouvernement vient d'être renversé, on met quelqu'un de la Garta, mais la guérillera, elle veut toujours le renverser, le gouvernement, la nouvelle, l'ancien gouvernement. Alors, on recommence encore. On ne règle pas le problème. Parce que 4 ans après, disons que le prochain premier ministre du Québec, c'est quelqu'un de la Garta. Ben 4 ans après, on refait les élections. Et comme si lui est de la Garta et qu'il a des idées intelligentes, ces idées-là ne pourront pas être comprises par le peuple, et l'opposition va en profiter au coton, ben, c'est officiel que dans 4 ans, il n'est pas réélu. Alors donc, on a un problème. Et si on va, par exemple, dans un pays avec une dictature militaire, où on renverse le gouvernement, on met quelqu'un de la Garta, ben, 2 semaines après, il y a encore des guerres, parce que la guérillera vient de se rebâtir, et on veut renverser, puis on va avoir des guerres régulières. Assez qu'à un moment donné, la guérillera de tel pays va venir aider celui-là pour renverser le gouvernement. Après ça, les autres vont venir l'aider pour renverser l'autre, comme on a en Amérique latine, en Amérique du Sud, puis un peu partout ailleurs. Alors, ce qui fait qu'on ne réglera pas le problème. Il faut absolument que les esprits de groupe disparaissent pour avoir un gouvernement mondial. Alors, c'est pas tout de suite qu'on va avoir un gouvernement mondial. L'esprit de groupe, c'est quoi? C'est l'orgueil national, c'est l'orgueil racial, c'est l'orgueil moral, c'est l'orgueil religieux, c'est l'orgueil spirituel. Qu'on fasse un djihad, une guerre religieuse comme le djihad islamique, qui est présentement en cours depuis longtemps, où on veut que l'islam s'étende sur la planète. Alors, si on détruit l'ego de l'islam, ben, il n'y a plus de combattants islamiques. Il n'y a plus de terroristes islamiques. Il n'y a plus de problèmes. Si on détruit l'orgueil des Américains, qu'il n'y a plus d'Amérique, qu'il n'y a plus d'Américains, ben contre qui l'Amérique, contre qui, toi, tu vas aller te battre? Pour protéger quoi? Toi, parfait, ton voisin ne t'attaque pas, tu te bats pas. Et si on détruit tous les égrégores, les esprits de groupe qui manipulent les collectivités, on détruit les drapeaux, on détruit les hymnes, on détruit tout ce qui fait que l'homme est dans une boîte de conserve et parce qu'il est dedans, il tient à ce que l'extérieur ne vienne jamais dedans. Puis lui, il tient à étendre sa boîte de conserve partout. Fait que comme il y a plein de boîtes de conserve, ben le métal se frappe, ça fait des flamèches. Bon. Alors, ce qui fait que tant qu'on a ce genre de contexte, on peut pas arriver à avoir un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial va être instauré de deux façons. Soit parce que l'homme va devenir suffisamment lucide dans son intelligence. L'homme va comprendre l'intelligence de l'économie d'énergie. Et pour économiser l'énergie, tant au plan physique, au plan vital, au plan psychologique, au plan mental, au plan matériel, je parle de toutes les formes d'énergie, l'homme va comprendre l'intelligence de l'amélioration. Mais lorsqu'on aura un peuple intelligent, il devra, et c'est le mot du problème, il devra intelligencer les autres. Et sinon, il sera détruit par les autres. Alors, on va dire, Adolf Hitler, c'est ce qu'il voulait faire? Ouais. Sauf qu'Adolf Hitler n'était pas intelligent, c'est pour ça qu'il a pris les armes pour rendre les autres intelligents. Et lui, il s'est dit, ben, ceux qui sont pas intelligents, ça, disons, ceux qu'on ne peut pas rendre intelligents, on va simplement les éliminer. Preuve de l'absurdité de son contexte, évolutif, social. Lorsqu'un peuple devient intelligent, disons que le Québec devient intelligent à un moment donné. Trois quarts du Québec deviennent intelligents, on place un gouvernement intelligent en place, fait que le reste du quart du Québec qui est pas intelligent, ben, vu que le gouvernement est élu, ben, ils vont suivre. T'as pas besoin du quart, t'as besoin d'un quart d'intelligents au Québec pour placer un gouvernement intelligent en place. Le reste, ils vont suivre. Et le reste, ils vont suivre, ils vont avoir donc, ils vont devenir lentement intelligents parce qu'on va leur permettre de le devenir. Pas on va leur forcer, on va leur donner des structures d'éducation qui le permettent. Où est-ce qu'on permet l'erreur, où est-ce qu'on élimine la compétition. Pourquoi avoir une compétition? Parce que tu ne comprends pas l'intelligence d'amélioration, mais tu comprends l'intelligence d'être meilleur que l'autre. Fait que tu t'améliores pas, tu veux être meilleur que l'autre. Alors, soit que tu passes ta vie à lutter pour être meilleur qu'un autre. Alors, comme j'ai déjà expliqué avec, soit que tu descends à l'autre, soit que tu te forces, mais plus souvent, contrairement, tu descends les autres, c'est préférable, c'est plus facile. Alors, tant qu'on n'a pas l'intelligence de l'amélioration, on peut pas le faire. Mais si tu as un corps de, disons, du peuple québécois intelligent, tu as un gouvernement intelligent qui se met facilement en place, par la propagande, les autres vont facilement suivre parce que c'est facile à manipuler un peuple. Et lorsque tu as, disons, le peuple québécois qui est intelligent, ben évidemment, tu as un problème. Parce que si on a des pluies acides qui nuisent, on veut régler les pluies acides. Si les pluies acides viennent de l'extérieur, ben on va régler les pluies acides pareil. Et on va trouver des moyens pour régler les problèmes. Il va donc falloir qu'on aille une fichue bonne propagande ailleurs. Pour qu'eux autres acceptent que le Québec soit intelligent. Pour pas qu'ils viennent détruire le Québec. Parce que l'intelligence n'ira pas détruire les autres pays inintelligents. Mais l'intelligence n'a pas besoin, n'est pas réfrénée par la mortalité d'un être humain. Souvent, l'homme va dire, un être humain, on peut pas le tuer. C'est pas bon. Et dans l'ère du Verseau, l'homme du Verseau va être un homme qui va respecter la vie. C'est vrai. Mais d'une façon intelligente. Pas d'une façon émotive. Pas d'une façon religieuse. Pas d'une façon éducative, comme on l'a appris. Pas d'une façon pisséenne. Respecter la vie, c'est vrai. Cela veut dire que lorsqu'un jour, un homme intelligent rentre quelque part et qu'il rencontre un petit peuple, il rentre dans un village qu'on a ici, par exemple, au Québec, et il y a une grosse fête dans le village, et il tombe nez à nez avec une personne, par exemple, disons, une jeune fille de 8 ans. Et tout le monde fête, et la jeune fille est extrêmement belle, et que l'homme, dans son intelligence, et je donne un exemple. L'homme intelligent voit très bien que cette jeune fille va être un fléau, va être un tyran, qu'elle va devenir satanique. Alors, il la prend à l'écart et il la tue, c'est fini là. Parce qu'il respecte la vie. Parce qu'au lieu de se dire, ben, moi, je m'en occupe pas, je prends pas mes responsabilités, ben, enfin, c'est pas ça qu'il va se dire. Il va dire, ben oui, mais d'un coup qu'elle change, on va s'efforcer. Puis s'il y a 1 milliard de personnes qui meurent après, ben, j'aurais fait mon possible, ce sera pas de ma faute. Lorsque tu respectes la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu te permets de tuer des virus parce que les virus tuent des hommes. Mais tu te permets aussi de tuer des hommes parce que l'homme tue des hommes. Et donc, ce n'est pas un concept moral. Je dis bien, c'était un exemple. Parce que l'homme peut dire, mais qu'est-ce qui fait que tu es sûr que c'est un tyran, cette fille? Mais disons que tu le sais. Ah, tu la tues. T'as pas de remords, t'as pas d'hésitation, c'est logique. Et ça, c'est une chose qui n'est pas compris par l'homme pycéen, qui n'est pas compris par l'homme psychologique, parce que l'homme psychologique se relie toujours à la collectivité, et quand tu tues quelqu'un, c'est un peu lui que tu tues. C'est vrai, parce qu'on est relié au même plan astral, psychologique, donc tu souffres de cette chose. Et ce qui fait que tu te transposes toujours un peu. Mais lorsque tu es dans ta propre énergie, que tu vois un fléau quelque part, tu aimes les chiens, mais un chien qui mange le monde, un chien qui saute dans la face des enfants, ben tu le tues. Est-ce que t'es un tyran? Est-ce que t'es un satanique pour autant? Absolument pas. Laisse-le vivre à la place. Puis là, tu vas être pas mal plus luciférien que si tu le tues. Et c'est la même chose pour l'homme. L'homme s'évertue à croire à la réincarnation tout en ayant peur de démolir. Par contre, l'homme qui démolit au nom de sa doctrine est un être stupide, c'est un intelligent. Et je dis bien que on ne doit pas tu ne peux pas forcer l'homme à être intelligent. Tu peux avoir un gouvernement en place qui est régi, permis par les lois, disons, de l'ancienne ère pycéenne, et tu instruis l'homme. Tu peux travailler, tu ne veux pas travailler, ben tu vas travailler. Et lorsque tu auras été éduqué à travailler, lorsque ça leur a fait 2 ou 3 ans que tu auras travaillé, rémunéré en fonction, je ne parle pas d'un travail forcé. C'est un travail forcé, mais tu es payé pour le faire. Au lieu d'être payé pour être forcé à rien faire. Bon. Alors là, ça devient un peu de la dictature. Et ça, de toute façon, un gouvernement intelligent, un gouvernement monarchique va être dictatorial pendant un bon bout de temps. Il va devoir éliminer des hommes pendant un bout de temps. Même si on dit que c'est le gouvernement de Dieu qui va venir sur la planète Terre, ben l'homme qui veut pas ce Dieu-là, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, Dieu va l'investir, il va le convaincre. Ben c'est ça que les Russes font. On appelle ça un lavage de cerveau. Oh, mais Dieu fera pas de lavage de cerveau. Bon, ben bon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va le tuer. Il va faire quelque chose. Parce que lui, pendant ce temps-là, ben, il tue les bons fidèles qui croient à Dieu, parce que lui, dans son attitude, il est bien convaincu qu'il est Yavik, qu'il est dans le droit chemin, et de ce fait qu'il a le droit de tuer ceux qui sont dans le mauvais chemin. Alors, veut pas, ce problème-là se réglera pas sans mortalité humaine. De toute manière, ces esprits humains-là évolutifs se réincarnent par après dans un monde qui va pouvoir les accueillir plus intelligemment, donc aucun problème. Sauf que il n'y a pas de raison intelligente de dire, nous avons un gouvernement en place, nous avons un gouvernement intelligent, et nous allons entrer en guerre contre les autres pays pour les rendre intelligents. Ça, c'est une stupidité. Pourquoi? Parce que le peuple, si tu tues un homme, c'est pas grave. Ça dépend des circonstances. Mais cosmiquement, c'est pas grave. Astralement, ça peut être grave. Karmiquement, ça peut être grave au niveau sociétaire, au niveau individuel, au niveau de plusieurs niveaux karmiques. Mais si tu laisses faire un acte à un homme et tu le savais et que tu ne le tues pas, c'est encore plus grave karmiquement, ce qui arrive simplement, c'est que lorsque tu tues une collectivité, lorsque tu rentres en guerre, que tu investis une population, un peuple, et que tu les obliges à vivre selon un contexte, et eux autres n'ont pas l'énergie nécessaire pour comprendre l'intelligence du contexte, ben t'es aussi stupide qu'eux autres. Alors, ce qui fait que tu ne vas pas un jour envahir le Bangladesh pour les rendre intelligents. Tu ne vas pas un jour envahir la France, envahir le Québec, envahir l'URSS ou envahir un pays parce que tu as l'intelligence. Parce que si tu as l'intelligence, tu le fais pas. Parce que tu ne peux pas rendre un peuple intelligent en les dominant. Tu ne feras de ce peuple qu'un peuple inférieur, qui restera inférieur, parce qu'ils verront toujours le dieu envahisseur ou l'homme supérieur, le surhomme envahisseur devant lui, et il aura toujours l'impression qu'il ne peut pas y arriver. Même si tu lui dis, ben oui, tu peux, il pourra pas. Tu lui as prouvé qu'il pouvait pas. Vous êtes battus ensemble, eux autres ont perdu. Et cette défaite dans la tête d'un homme, dans la tête d'un homme collectif, dans la tête d'un pays, c'est pire que la mortalité. D'ailleurs, les Japonais préféraient mourir, on en a eu plusieurs qui préféraient mourir que de vivre une défaite. Or, de ce fait, un gouvernement monarchique ne pourra pas entrer en guerre pour s'étendre. Donc, l'Union soviétique ne sera pas le gouvernement monarchique planétaire. Tous les pays qui vont vouloir entrer en guerre ne seront pas des gouvernements qui seront mondiaux. Par contre, le gouvernement intelligent peut être suffisamment bien armé pour rester en place dans son pays, ou dans sa province, ou dans sa région. Et ça, c'est important de bien penser que la monarchie, elle s'installera pas, elle sera pas instaurée d'un moment donné, où on aura, une descente divine, ou des extraterrestres, ou n'importe quoi, qui va arriver, tous les hommes vont se mettre à genoux, puis tout va être réglé, c'est pas vrai. Il y aura toujours un lion mangeur d'hommes qui va attaquer quelque part, il y aura toujours un tremblement de terre à un moment donné quelque part, et c'est pas vrai de dire que instantanément ou dans 10 ans ou dans 20 ans, va falloir pour ça que pour que le gouvernement soit instauré, que cette monarchie, et cette monarchie, elle est intelligente, parce que lorsque l'intelligence domine, bien, si le peuple n'est pas intelligent, les solutions sont appliquées et le peuple se libère de plus en plus de ses problèmes. Mais si le gouvernement est intelligent et que les solutions intelligentes ne sont pas appliquées parce qu'on demande au peuple de voter pour, puis que le peuple ne voit pas l'intelligence de la solution, bien évidemment, on a un marasme comme on a, et on va continuer à vivre planétairement d'une façon dissociée, disloquée, qui ne pourra pas aboutir seul d'une façon facile à un gouvernement mondial. Alors donc, ce gouvernement mondial va apparaître lorsque les égaux nationaux, lorsque l'homme va cesser de croire qu'il fait partie d'un groupe. Il n'y aura pas de gouvernement mondial, il n'y aura pas de monarchie, tant que l'homme, tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'hommes dans les pays qui détiennent la puissance. Et c'est important, ça va se faire dans les pays qui détiennent la puissance, pas dans les pays qui détiennent pas la puissance. On n'ira pas demander à l'Inde, qu'est-ce qu'il en pense? On n'ira pas demander au Bangladesh, qu'est-ce qu'il en pense? On n'ira pas demander à l'Irlande, qu'est-ce qu'il en pense? On n'ira pas demander aux pays d'Amérique du Sud, qu'est-ce qu'il en pense? Parce qu'ils n'ont pas à en penser. Ils sont pas occupés à en penser, ils s'en balancent royalement, ils ont des esprits de groupe trop puissants, on n'ira pas demander leur opinion. Il va falloir qu'on demande l'opinion aux Amériques du Nord, au Canada, aux États-Unis, aux partis européens, à l'Union soviétique, au Japon, à la Chine, à certains pays qui ont de la puissance. Parce que lorsque le pays qui a de la puissance embarque, mais les pays qui n'ont pas de puissance, ben embarquent. Mais lorsque le pays qui n'a pas de puissance embarque, ben les pays qui ont de la puissance les démolissent. Alors, évidemment, ça va se passer dans les pays qui ont de la puissance. Dans une société qui serait libérée de l'esprit de groupe, comme tu dis, qui serait individualisée, c'est quoi le substrat ou la substance qui liera ces individus-là, puisqu'ils sont tous individuels? Si tu es individuel et que tu es intelligent, tu vois très bien l'importance, l'utilité, donc l'intelligence de la société. De vivre en société. Pas de vivre imbriqués uns ses autres nécessairement, mais de vivre en relation avec les autres êtres humains. En tant qu'être humain. Moi, je vais vivre avec toi parce que j'ai une utilité que je vive avec toi. C'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Et c'est important que ce soit bon pour les deux plans. D'ailleurs, la semaine prochaine, la conférence, je crois, c'est les échanges d'énergie. C'est juste là-dessus qu'on va parler. De qu'est-ce qui pourrait motiver un être humain à vivre avec d'autres sans psychologiquement être assujetti aux autres. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain devrait donner dans un certain moment et ne pas donner dans un autre moment? Recevoir dans un moment et ne pas recevoir dans un autre moment. C'est les échanges d'énergie. Et ça, c'est important parce que ça, si cette loi d'échange d'énergie n'est pas respectée, ça crée des déséquilibres. Et ça, on en a plein sur la planète au niveau énergétique, au niveau financier, au niveau militaire, au niveau psychologique, au niveau éducatif, au niveau de tous les niveaux. Alors donc, qu'est-ce qui va faire qu'un individu va vivre avec un autre? C'est qu'il va comprendre l'intelligence de l'échange d'énergie. De l'échange. Alors moi, je te donne, faut pas que ce soit dans le but de recevoir. Ben, je suis désolé, mais tu donnes, puis il faut que ce soit dans le but de recevoir. Ça fait que tu vas comprendre l'intelligence de vivre en société. Sinon, ben moi, je reçois. Puis toi, faut pas que tu penses qu'il faut que je te remette. Fait qu'on est 25, tout le monde me donne un peu, puis moi, je me donne à personne. Fait que moi, je fais rien, moi, je suis bien. Puis donner. Mais à un moment donné, il va falloir que ceux qui donnent s'écartent, parce qu'ils dilapident leur énergie. Il va falloir qu'ils instruisent celui qui reçoit à fonctionner de façon à avoir sa propre énergie. Et ça, c'est ce qui va faire en sorte que les hommes vont être capables, sans être assujettis collectivement, de travailler pour construire une société intelligente, de façon à ce que la société leur permette de se libérer pour s'améliorer eux autres. Et l'homme qui comprend l'intelligence de la relation, non pas qui est assujetti d'une relation parce qu'il est venu au monde dedans, parce qu'il a vraiment compris, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il dit qu'il ne peut pas s'en sortir, mais lui va être capable de vivre, la société va être intelligente quand l'homme va devenir, va comprendre la relation. Merci, Daniel. Je vous rappelle que vous pouvez écrire vos questions. Je pense qu'il y a ça a suscité peut-être des chocs ou des fascinements qu'on va avoir plusieurs questions. Alors, si vous voulez les écrire lisiblement sur des petits papiers comme ça, puis les laisser ici en avant. Je vous rappelle l'offre qui tient toujours, que la cassette est offerte gratuitement avec l'achat du billet de la semaine prochaine. On va prendre une petite pause de 15-20 minutes et on se retrouve. Merci.